L'actualité à Nancy et ailleurs. Novembre est le mois de l'ESS, le mois de l'économie sociale et solidaire, un temps annuel qui permet de mettre des coups de projecteur sur ces acteurs de l'ESS. Nathalie, bonjour. Bonjour. Avec vous, c'est l'association Recyclune que nous allons mettre en avant, une aventure associative qui a débuté en 2016. Alors, tout simplement, comment vous définiriez le rôle de Recyclune ? Recyclune, c'est une association qui a pour objet de créer une dynamique collective afin de lutter contre le gaspillage, préserver l'environnement, consommer autrement et créer du lien social. Recyclune, c'est à Lunéville, plus précisément au 6 rue du Coq. Parmi vos activités, celle qui est la plus visible aujourd'hui, peut-être, c'est la recyclerie. Recyclune est basée sur deux pôles, un pôle recyclerie et un pôle sensibilisation. Donc on a une boutique solidaire qui est ouverte toute la semaine du lundi au samedi de 14h à 17h. Et on a aussi toute une partie sensibilisation au réemploi et à la réduction des déchets. Donc où nous animons des ateliers dans les écoles, les collèges, les lycées. Nous intervenons aussi dans les quartiers prioritaires. D'ailleurs, vous vous êtes donc chargé des activités de sensibilisation au réemploi et à la réduction des déchets. Donc vous faites partie des salariés de l'association aujourd'hui? Oui, alors il y a 4 salariés dans l'association. Donc une coordinatrice à la recyclerie, un agent valoriste et un chargé de développement et moi-même. Donc l'aventure a commencé en 2016 et ça a pris tout de suite et des bénévoles qui se sont investis. Tout à fait, nous fonctionnons avec une 30aine de bénévoles, donc ils viennent plus ou moins régulièrement. Nous en avons qui sont là très très souvent, notamment des bénévoles qui s'occupent des livres, qui trient dans le garage, qui vont faire la vaisselle, qui vont aussi intervenir sur les ateliers. Et nous avons aussi des bénévoles qui sont au conseil d'administration. Et donc, vous l'avez dit, vous intervenez régulièrement à l'extérieur pour justement cette sensibilisation au réemploi et à la réduction des déchets. Donc, vous ne chômez pas au sein de l'association Recyclune, il y a toujours quelque chose à faire. Ah, toujours. Alors, nous intervenons aussi dans les quartiers prioritaires. L'été, nous faisons les quartiers d'été. Nous montons aussi des projets avec différentes associations comme le Centre Social Les Épis, la médiathèque. Là, actuellement, nous travaillons avec eux sur un projet Grainothèque qui verra le jour l'année prochaine. Et pour nous expliquer un peu, c'est quoi une grainothèque ? Alors, une grainothèque, c'est un petit meuble dans lequel il y a plein de graines qu'on peut échanger. Les personnes amènent leurs graines. C'est le même système que la baraque à livres, sauf que c'est des petites graines. Tout simplement. D'autres ateliers, d'autres rendez-vous aussi que vous faites régulièrement, des repères café ? Oui, alors le troisième jeudi de chaque mois, nous avons le repère café. Nous avons aussi le tricoté les deuxièmes mardis de chaque mois. En quoi ça consiste, les tricotés ? Alors les tricotés, ce sont des personnes qui échangent leurs compétences au niveau du tricot, au niveau du crochet, autour d'un café. Donc on va avoir aussi bien des bénévoles, des débutantes, des perfectionnées. Enfin, il y a vraiment tout type de personnes qui viennent et peuvent échanger et apprendre. Autant de rendez-vous qui permettent justement de se rencontrer et d'échanger sur ses passions, sur un peu tout en fait. Oui, parce que les personnes ne parlent pas seulement de tricot, elles échangent aussi, elles papotent un petit peu sur tout. Parmi votre actualité aussi, il y a un rendez-vous que vous proposez le samedi 4 novembre, l'après-midi, un temps d'échange où vous allez donc donner la parole aux habitants. Pourquoi ce rendez-vous ? Expliquez-nous. Recyclune est en écriture de son projet associatif. Et pour cela, donc, nous avons besoin de recueillir la parole de l'habitant, donc des personnes qui sont bénéficiaires de la recyclerie, des personnes qui viennent déposer des dons et des personnes qui sont bénéficiaires de nos ateliers. Ce sera un petit moment un peu festif avec un concert, donc des fêtes du logis. Oui. Et on pourra échanger autour d'un petit jus de fruits sur ce que les personnes pensent de la recyclerie, de l'association en général, pas seulement de la recyclerie. C'est pour imaginer l'association à moyen terme et à plus long terme aussi. C'est pour pouvoir se projeter dans l'avenir et répondre au mieux aux besoins des habitants. Donc tout ça, ça se passera aussi rue du Coq ? Oui. À Lunéville, dans les locaux de Recyclune. D'autres projets peut-être à venir, on a cité déjà pas mal de choses, mais peut-être un autre temps fort à venir en début d'année prochaine, par exemple, ou en fin d'année ? Alors, en fin d'année, on aura le 16 décembre un atelier récupart où là, nous allons fabriquer des lampes à base de livres. Donc, il y aura aussi un temps fort qui sera au mois de janvier. La date n'est pas encore tombée pour une opération yarn bombing. Donc, actuellement, dans la recyclerie, il y a une petite trottinette qui est décorée de tricots et de crochets. Et les personnes sont invitées à venir chercher une petite pelote ou à tricoter leurs restes et à nous ramener des carrés à la recyclerie afin que nous puissions les assembler et décorer nos murs qui sont tout gris. Plein de choses, plein d'événements et pour suivre votre actualité, le plus simple c'est d'aller sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Oui, nous avons Facebook, nous avons Instagram et notre site est actuellement en construction, mais il ne devrait pas tarder. Ce sera recyclune.fr. Et bien sûr, le rendez-vous du 4 novembre, c'est à partir de 14h, c'est ça? Tout à fait, oui. Et vous pourrez aussi nous retrouver lors du Village des Solutions de demain au département à Nancy. Donc ça sera les 24 et 25 novembre. Là aussi, dans le cadre du mois de l'économie sociale et solidaire, il y aura plein d'autres acteurs, dont Recyclune, bien entendu. Et on n'hésite pas d'aller à votre rencontre à Lunéville, donc aux 6 rues du Coq, c'est dans la zone des faïenceries. Merci beaucoup, Nathalie. Ben, merci à vous, bonne journée. L'actualité à Nancy et ailleurs. C'est sur Fudget. Pour y participer, contactez-nous au 03 83 35 22 62.